règne sur nous, car ton règne est éternel. Que chaque génération dise à celle qui suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, qu'elle évoque tes bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. Oui, Seigneur, règne sur nous. Seigneur notre Dieu, un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel, tu tiens tes promesses, tu es plein d'amour dans tout ce que tu fais. Que ton règne vienne. Tu es bon envers nous, Seigneur. Yes. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur, car tu es grand et digne de louange. Ta grandeur est insondable. Éternel, toute créature te louera, toi, le Dieu saint. jusque dans l'éternité. Oui, règne sur nous.